d'Émilie Zola. Adaptation Pauline Timonier. Réalisation Baptiste Guiton. Quatrième épisode. Étienne Lantier a été embauché comme mineur à la fosse du Voreux, près de Montsou, dans le Nord. Après avoir trouvé à se loger à l'auberge de Rasseneur, un ancien de la mine, le père Maheu lui a proposé de prendre pension chez lui, dans le coron. Étienne partage une chambre avec les enfants des Maheu, dont la jeune Catherine. Elle est avec un certain Chaval, mais cela ne les empêche pas d'être troublés par cette promiscuité des corps, surtout la nuit. Au Voreux, la grève menace devant des patrons toujours plus exigeants. Mais pour l'heure, tous sont réunis dans un ultime effort pour sauver Jeanlin, le fils des Maheu, et un autre ouvrier coincé au fond d'un puits par un éboulement soudain. Les mineurs attaquèrent l'éboulement avec la pioche et la pelle. L'heure de la sortie était venue, aucun n'avait mangé. Mais on ne s'en allait pas tant que des camarades se trouvaient en péril. Les ouvriers, en moins d'une heure, avaient fait la besogne d'un jour. Maheu s'obstinait avec une telle rage qu'il refusait d'un geste terrible quand un autre s'approchait pour le relayer un instant. Doucement ! Nous arrivons ! Faut pas les achever ! En effet, le râle devenait de plus en plus distinct. Maintenant, il semblait souffler sous les pioches même. Brusquement, il cessa. Tous silencieux se regardèrent. Il piochait, les muscles tendus à se rompre. Un pied fut rencontré, on enleva dès lors les terres avec les mains, on dégagea les membres un à un. La tête n'avait pas souffert, il était tout chaud. La colonne vertébrale cassée par une roche. Enveloppez-le dans une couverture et mettez-le sur une berline. On mioche maintenant, dépêchons. Il est où ? Maheu donna un dernier coup et une ouverture se fit. On communiqua avec les hommes qui déblayaient l'éboulement de l'autre côté. Ils crièrent. Ils venaient de trouver Jeanlin évanoui, les deux jambes brisées, respirant encore. À l'accrochage, on avait donné l'ordre qu'une cage vide fût réservée. Maheu resta avec son petit blessé sur les genoux, pendant qu'Étienne devait garder, entre ses bras, le cadavre de Chico, pour qu'il pût tenir. Jeanlin et le mort furent portés dans la chambre des Porions. Le médecin s'agenouilla auprès de Jeanlin. Maheu l'accompagnait. La tête n'a rien. La poitrine non plus. Ah, ce sont les jambes qui ont étreigné. Hein? C'est toi qui es le père? Ah, ne pleure donc pas. Tu vois bien qu'il n'est pas mort. Ah, aide-moi plutôt. Deux ruptures simples, mais la jambe droite me donne des inquiétudes. Sans doute, il faudra la couper. Un éboulement au niveau d'une porte d'aérage. Les bois ont craqué, trop humide. Toujours ces maudits boisages. N'ai-je pas répété 100 fois, Dansard, qu'on y laisserait des hommes? Et ces brutes-là qui parlaient de se mettre en grève, si on les forçait à boiser plus solidement. Le pire est que la compagnie maintenant va devoir payer les pots cassés. Monsieur Hennebeau va être content. Monsieur, voici le mort. Elle est blessée. Qui est-ce ? Chico, un de nos bons ouvriers. Il a 3 enfants, pauvre bougre. S'il vous plaît. Le docteur Van der Hagen demanda le transport immédiat de Jeanlin chez ses parents. 6 heures sonnaient, le crépuscule tombait déjà. On ferait bien de transporter aussi le cadavre. Étienne alors conseilla tout bas à Maheu d'envoyer Catherine prévenir la Maheude pour amortir le coup. Le père, qui suivait le brancard, l'air assommé, consentit d'un signe. Et la jeune fille partit en courant, car on arrivait. Mais déjà le fourgon, cette boîte sombre bien connue, était signalée. Des femmes sortaient follement sur les trottoirs. Bientôt elles furent 30, puis 50, toutes étranglées de la même terreur. Il y avait donc un mort. Qui était-ce ? Catherine avait trouvé sa mère, et dès les premiers mots balbutiés, celle-ci cria. « Le père est mort ?» Vainement, la jeune fille protestait, parlait de Jeanlin.